Sur TSF Jazz Nightlife à 8h05 et voici le nouvel album de l'organiste Jeb Patton. Thank you. Bon, alors après la suédoise Eliane Elias, c'était donc le célèbre organiste Jeb Patton. Bon, vous avez bien entendu qu'il n'y avait pas un gramme d'orgue. Bien sûr, c'était le pianiste Jeb Patton avec un concentré d'élégance et de swing new-yorkais. Jeb Patton ici avec le bassiste David Wong et le batteur Rodney Green. C'est un extrait du dernier album du pianiste qui s'intitule Ten Fish Live in New York et qui a été enregistré au printemps dernier au Mesrow Jazz Club. Je soupçonne Mathieu Boudou d'avoir versé de la drogue dans mon café ce matin. Il est 8h et voici les infos donc avec Mathieu Boudou. Carlos Ghosn bientôt présenté à un juge au Japon. Le shutdown qui se poursuit aux États-Unis. Alain Juppé qui n'est plus membre des Républicains et les Gilets jaunes qui préparent leur acte 8. Voilà pour les titres que nous développerons dans ce journal. Mais d'abord, un hommage. Cela fait tout juste 50 ans aujourd'hui que le contrebassiste de légende Paul Chambers succombait à seulement 33 ans des suites d'une tuberculose. Nous étions le 4 janvier 1969, 10 ans auparavant. Paul Chambers figurait sur le Giant Steps de John Coltrane ainsi que dans la Dream Team de Kind of Blue aux côtés de Miles Davis. Un album historique où la performance de Paul Chambers n'en finit pas d'éblouir le contrebassiste Stéphane Kerecki. Rien que le début de Kind of Blue, l'intro de So What, qui est une intro improvisée. Hein. Moi, je sais que c'est un des premiers disques de jazz que j'ai écouté. J'ai entendu ce son de basse, j'ai dit « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est hallucinant, quoi !» C'est quelqu'un qui est beaucoup moins, comparé à Mingus, par exemple, qui est un bassiste qui est beaucoup plus, leader dans l'âme, qui impose beaucoup plus, je pense, par son son, par sa présence. Quelqu'un de plus en retrait, c'est quelqu'un qui a un son absolument fantastique, quoi. Et évidemment, dans ce disque-là précisément, qui est un disque très, minimaliste, assez épuré, il y a la place de la basse est très importante. Paul Chambers, donc 50 ans après. Quant à Mingus, dont Stéphane Kerecki nous parlait à l'instant, cela fera demain tout juste 40 ans qu'il nous aura quittés. Aux États-Unis, le shutdown se poursuit. À la Chambre des représentants, où les démocrates sont désormais majoritaires, a bien approuvé hier soir un plan de financement visant à mettre fin à ce shutdown, la fermeture partielle des administrations fédérales américaines qui dure depuis 2 semaines. Mais voilà, ce plan n'inclut pas les 5 milliards de dollars pour la construction du mur voulu par Donald Trump à la frontière avec le Mexique. Et le plan en question devrait donc être retoqué par le Sénat, où là, les républicains restent majoritaires. Carlos Ghosn doit être présenté un tribunal dans les 5 jours pour être notifié du motif de sa détention. C'est ce que rapporte ce matin la chaîne de télévision publique japonaise NHK. Le PDG de Renault, qui est incarcéré au Japon, le rappelle depuis le 19 novembre dernier pour des accusations de malversation financière. Les relations épistolaires ont décidément le vent en poupe. Ouais, alors qu'on attend la lettre d'Emmanuel Macron adressée aux Français, le groupe des Gilets jaunes, La France en colère, publie une lettre ouverte au président de la République sur les réseaux sociaux, un groupe animé notamment par